Il y en a marre de ces radios qui disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. Deuxième heure de British Connection, votre émission rock, et je vous en parle depuis quelques semaines. Il est là, le président du Cri de la Libellule, c'est le Did. Salut le Did. Salut Philippe. Comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te recevoir. Alors, il y a bien longtemps que tu t'es venu dans British Connection, c'était l'époque Rock One, il me semble. Hein. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça fait... Restons sur les... Voilà. Ouais. J'ai plaisir à te recevoir, car c'est le 19e Rock in Kiosk à Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. Même si vous nous écoutez de très très loin, c'est pas grave, il y a des transports maintenant en commun. Transports en commun. Voilà. Alors, et Philippe, il peut passer vous chercher. Si oui, vous... c'est ça, bien sûr. Donc on est ensemble une heure pour l'avant-dernière émission de la saison. On va passer une heure ensemble et en plus, tu as une petite surprise, on en parlera dans quelques minutes. Ouais, tu es venu déjà avec des morceaux... Je suis venu avec un pote, là. Ouais. Ça, voilà. Tu es venu avec des morceaux, l'idée c'est de nous présenter les morceaux des groupes qui seront à ce Rock in Kiosk. On va commencer tout de suite par Shaker Poisson, mais avant tout, je voudrais que tu nous expliques comment les groupes sont arrivés ici à participer à ce 19e Rock in Kiosk. Alors, comme chaque année depuis... pratiquement 19 ans. À partir de septembre, on met en place un comité d'écoute. On passe des petites annonces un peu partout. Les groupes envoient leurs candidatures. Et on a un jury dont tu fais partie d'ailleurs. Ah bon, tiens. Oui, qui en fait vote et il sort 5 projets. 4 projets, puisqu'on a un projet coup de cœur aussi. Mmh. Et voilà, quoi, on sort 4 projets, ça fait l'affiche du festival. Et je trouve que cette année, l'affiche est très très rock'n'roll quand même. Des fois, on a des trucs un peu festifs, tu vois. En fait, tout dépend de ce qu'on soit. Dépend de ce qu'on soit. Et là, on a noté une hausse d'ailleurs depuis le Covid. Mmh. On commence à sortir de cette cochonnerie, quoi. C'est parce que les premières années, ça a été très dur au niveau. On recevait pas beaucoup de candidatures. Shaker Poisson. Alors, c'est qui ce groupe? C'est des punk en costard. Des punk en costard. Ouais. Donc, le premier pour le morceau tout de suite dans British Connection, Space Rocket. Monte le son, c'est British Connection. I don't care. I don't care. I don't care. Space, rocket, space. Oh bon sang que c'est bon, on dirait un petit peu d'IA. C'est toujours chiant de comparer à d'autres groupes bien connus, mais ça me fait vraiment à penser à ça. Et en plus, ils sont costards sur scène. Ouais, en fait, de toute façon, tu vas toujours trouver des références à quelque chose qui existe. Bon, là, en plus, on les avait déjà vus sous un autre nom, c'est les anciens Ginza, voilà. Alors, le Cri de la Libellule, ça existe depuis 19 ans réellement ? Ça existe depuis 2007 exactement, puisque le festival Rockin' Kiosk a débuté avec l'association de quartier. D'accord. Voilà, et on a monté le Cri de la Libellule en 2017 avec une poignée de potes. Les copains qui s'occupaient du studio de répétition de Saint-Michel, où tu as bien connu un groupe qui a répété qui s'appelait Milan, je pense. Et puis, j'en passe toujours d'ailleurs. J'en diffuse toujours en émission. Ouais, c'est dommage qu'il s'arrête. Ah, ouais, c'est sympa. Con. Voilà, puis avec cette poignée de copains, on a démarré le truc, quoi. Puis petit à petit, ça a pris de l'ampleur. C'est tout simplement. Et on expliquera pourquoi le Rockin' Kiosk quand même. Hein, parce que, mais on laisse le suspense. Ouais. Dans le suspense, il y a également un. Tu as un invité surprise. On a un invité surprise et c'est une grande chance pour nous. C'est très cool. Ouais. On va le faire parler un petit peu. Hein, dans 20 minutes, on dira. Il est déjà venu souvent au Rockin' Kiosk voir les groupes qui passaient et tout. C'était sympa de le voir. Quoi. On va pas donner d'indices. On va laisser simplement parler. Et puis dans une demi-heure, on passera d'ailleurs un morceau de son tout nouvel album. Et puis il y aura des morceaux qu'il a choisis et puis on dira et ben c'est qui mais il y avait un copain qui avait tenu la buvette d'ailleurs au Rockin' Kiosk. ils sont super cool ces gens. Alors ton choix le Did, c'est un petit Raoul Petit. Pourquoi ? Alors c'est bon, déjà paix à son âme déjà. Oui, paix à son âme. C'est un peu. J'avais beaucoup de respect pour ce projet, pour Carton, tout simplement. C'était un projet fantastique. Je les ai vus plusieurs fois en concert et à chaque fois c'est du bonheur, quoi. J'ai eu la chance de le rencontrer une fois. C'est quelqu'un d'une humilité fantastique et d'une gentillesse. Charisme incroyable. Voilà, c'était un phénomène. Phénomène français. C'est tout de suite dans ton culte. Voilà. Chacun dans sa tanière, puis le monde à sa manière. À force d'avoir toujours raison, attention, on devient vraiment con. Vaincu, le doute a disparu. À l'abri dans ma muraille, j'avais construit sans faille. Mais avec trop d'habitude, toutes mes certitudes, c'est rude. Et je ai mis la tête dans mon culte. Ouais, pas mal. Et je ai mis la tête. Dans mon culte. Dans mon culte. Victime de la dépendance à sa propre importance. Dans mon culte. C'est sûr, ce n'est pas une insulte. Dans mon culte. Victime de la dépendance à sa propre importance. Dans mon culte. C'est sûr, ce n'est pas une insulte. Dans ton culte, c'est sûr, ce n'est pas une insulte. Mais simplement ce qui résulte de la dépendance à sa propre importance. Car il ne sert à rien d'être le plus malin si c'est avec effroi que l'on regarde en soi. Faire le ménage dans son sarcophage me paraît bien plus sage. Oui, en acceptant le risque d'un changement, c'est sûr que tu serais plus convaincant et tu éviterais la culbute dans ton culte. Victime de la dépendance à sa propre importance. Dans ton culte. C'est sûr, ce n'est pas une insulte. Dans ton culte. Victime de la dépendance à sa propre importance. Dans ton culte. C'est sûr, ce n'est pas une insulte. Merci beaucoup. Ah, c'est bon, vas-y. C'est vrai que je voudrais faire des affaires sans jamais rien avoir à faire. amasser de l'argent, avoir l'air intéressante. Là c'est vrai, tu pourras me dire. Dans ton cul. Victime de la dépendance à sa propre importance. Dans ton cul. C'est sûr, ce n'est pas une insulte. Dans ton cul. Victime de la dépendance à sa propre importance. Dans ton cul. C'est sûr, ce n'est pas une insulte. Dans ton cul. Encore. Dans ton cul. Victime de la dépendance à sa propre importance. Dans ton cul. C'est sûr. J'ai compris ce que vous dites, ah oui. T'es sûr? Depuis 1982, British Connection, c'est plus de 2000 émissions. On est connu, c'est classe ou pas ? 80 000 titres joués, 15 000 découvertes, 1000 interviews, plus de 25 millions d'auditeurs. Combien ? Merci pour votre fidélité. Merci pour votre fidélité. Et n'oubliez pas, British Connection, c'est l'émission rock qui passe qu'on n'entend pas sur les radios rock. Ah ben, comme ça, ça passe ! Salut à tous, c'est Nuit Furie sur British Connection. On est là pour vous annoncer qu'on sera en concert le samedi 28 juin au festival Rock in Kiosk. Avec Nuit Furie, on forme un groupe d'électro-rock à l'ambiance sauvage, poétique et cathartique. Et on espère que vous allez passer un putain de bon moment avec nous. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux et on se retrouve le 28 sur le festival. On voulait aussi adresser un grand, grand merci au Did et à toute l'équipe du Cri de la Libellule qui nous programme cette année. Et à British Connection, bien sûr. À toutes. British Connection, just rock, just rock. Je me taille. Bruit Furil seront samedi au 19e Rockin' Kiosk. Ah, ça fait très mal, ça. Je sens qu'on va passer une belle soirée. Bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, bah, on va organiser un petit jeu concours avec 5 bières à gagner. Alors, 5 bières à gagner samedi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut Alors, il va falloir trouver en quelle année notre invité mystère est venu au Rockin' Kiosk pour la première fois. Avec son premier groupe. Ouais. C'était quoi ton premier groupe, invité voilà, mystère? Le premier groupe qui s'appelait Stuff Session à l'époque. Stuff Session, alors où JabGPT, Internet, et donc du coup... Bah, moi j'ai la réponse, j'adorerais jouer, mais on m'a interdit. Ah. Ouais. De toute façon, tu bois de la bière, toi? Bon, ça peut arriver de temps en temps. Ça y est, t'as l'âge? Bientôt. Indice, d'ici Rock and Kiosk, Est-ce que ça va dans les indices, cette histoire d'âge? Non, pas du tout. plus maintenant, je crois. Alors, il y a une histoire pour le Rockin' Kiosk. Pourquoi Rockin' Kiosk? Alors, parce que au tout début, ça se faisait sous un kiosque à musique dans un quartier de Saint-Michel. Et on a arrêté à l'époque des renforcements de sécurité. La préfecture ne voulait plus qu'on organise à cet endroit où il fallait mettre des blocs de béton, tout barriérer. C'était pas possible, quoi. Après, cette salle, elle est quand même bâchée, elle est quand même exceptionnelle. C'est une très très bonne salle, quoi. Elle est formidable, il y a une très bonne acoustique, et puis l'environnement, il y a un grand parvis qui est en train d'être végétalisé en plus, ça va être sympa. Il y aura à bouffer Ouais, il y a deux food trucks. Ouais. Food truck Caraïbes, je crois, et food truck pizza. Ah, cool. Pour ceux qui nous rejoignent, l'adresse du Rockin' Kiosk. C'est le Centre culturel Bachet, c'est rue Saint-Exupéry, voilà. Je crois, mais de toute façon, il y a des panneaux Orge, partout. Saint-Michel-sur-Orge, voilà. Il y a des panneaux partout. Alors, ton second choix, on va retrouver notre invité mystère dans quelques instants. D'ailleurs, il a sorti un EP il y a 15 jours. Il y aura un morceau tout à l'heure dans British Connection. Porcupine Tree. Ah non, vas-y. Non, excusez-moi. Ah non, je crois que c'est encore un indice. Non, ça. Bigard. Ah, Bigard. Non, c'est pas ça, j'ai perdu. Alors, c'est le cinquième groupe, Bigard & Co. Voilà. Ouais, j'ai perdu. Allez, Porcupine Tree, ton choix. Bah, tu aimes, quoi. Ça fait depuis pratiquement le début que je les écoute. Et les voilà. Sleep in this lake. si t'aimes vraiment le rock, pose cette guitare et branche-toi sur British Connection. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut à tous, nous sommes Loonrise. On a hâte de vous faire découvrir notre grunge antispéciste sur la scène de Rockin' Kiosk le 28 juin à Saint-Michel-sur-Orge. Merci Odide et au Cri de la Libellule pour l'invitation. Je rappelle que le Rockin' Kiosk, c'est ce samedi à Saint-Michel-sur-Orge. Là, on vient d'écouter depuis cette demi-heure trois groupes qui participeront. Dans un instant, je vous proposerai un morceau d'Ambiose que j'aime beaucoup et que je diffuse dans British Connection depuis des années. Et puis, on va diffuser un groupe mystère dans un instant, dans le démarrage de la dernière demi-heure. Mais avant tout, cher invité mystère, je voudrais que tu me parles un petit peu de cette salle qui est très, très, enfin, acoustiquement, qui a un super son. Il y a de l'espace pour un peu sauter dans tous les sens. Et tu sautes beaucoup en concert. Oui, c'est vraiment une super salle. C'est nous, on a découvert ça quand le Rock and Kiosk avait changé de lieu, tout simplement, quoi. Et à chaque fois, non, super expérience. Oui, en effet, on va pouvoir sauter partout. Ça, je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est vrai qu'au kiosque, avant, c'était restreint quand même. Mais c'était... Ouais. Moi, ouais. J'aimais bien. C'était champêtre. Il y avait de bonnes frites, en plus. Hein, donc, les frites. Moi, je vais arrêter avec ça. Parce que... Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de British Connection avec notre invité mystère qui va se dévoiler. Et le Did, le président du Cri de la Libellule, là tout de suite.